Chapitre 6e. Démosthène ! Démosthène ! Cria éperdument Léocadie en franchissant la porte du salon, où étaient réunies la veuve de l'avocat, sa fille et son gendre. « Que voulez-vous, madame ? » dit M. Armand en se levant ébahi. « Ce que je veux ? » répondit la figurante. « L'ingrat n'est-il pas ici ?» Et elle se mit à jouer au naturel d'une scène d'Ariane abandonnée. En ce moment, Démosthène entra. L'indignation céda la place à l'amour dans le cœur de Léocadie, et s'élançant vers l'infidèle, elle l'étreignit à l'étouffer dans ses bras musculeux. Il se débattit quelques instants et finit par se dégager. « Madame, dit-il d'un ton grave tout à fait plaisant, la plus grande preuve de tendresse que vous puissiez me donner, c'est de remonter dans votre voiture. Je vous rejoindrai dans quelques minutes. Je vous le jure et je vous reconduirai à la ville. Mais vous comprenez bien que j'ai quelques explications préalables à donner à ma mère, à ma sœur. » Et tout en parlant ainsi, il reconduisait la figurante vers la porte. « J'y consens, murmura-t-elle, mais si vous ne reparaissez pas dans 10 minutes, je reviens. » À peine eut-il disparu que la mère, la sœur et le beau-frère de Démosthène s'écrièrent à la fois. « Quelle est donc cette femme? Que vient-elle faire ici ?»« Cette femme m'a beaucoup aimé. Il ne peut vivre sans moi. »« C'est en dehors de tout principe, » s'écria l'excellente mère. « Mais cette femme est fort laide, » objectèrent monsieur et madame Armand. « Elle a été fort belle, et c'est encore une de nos premières tragédiennes. Jésus-Marie, » s'écria l'honnête veuve scandalisée, « je savais bien que Paris te perdrait. » « Soyez tranquille, ma mère, je n'épouserai jamais cette femme, mais je dois quelques égards à son dévouement, à ses malheurs, à son talent. Je vais la reconduire à la ville, lui faire entendre raison, et je vous reviens. » À ces mots, il sortit, et se dirigeant du côté de la fenêtre de la petite bibliothèque, il aperçut Thérèse et s'approcha d'elle. « Je viens vous délivrer, » lui dit-il en lui remettant la clé de la porte qu'il avait fermée sur lui. « Oh, merci, » ajouta-t-il, « de votre condescendance. » Et maintenant, donnez-moi encore une preuve de bonté. Ne m'accusez pas pendant ma courte absence. À mon retour, je vous dirai tout. Cette femme qui m'a suivi jusqu'ici a été bien belle, bien séduisante. Puis elle m'a tant aimé. Pour moi, Thérèse, ajouta-t-il d'une voix émue, avant de vous connaître, sais-je si j'ai aimé ? Et sans attendre de réponse, il disparut. Tout en rejoignant avec humeur Léocadie, il se félicitait d'avoir pu la dérober du moins au regard de Madame Delville et surtout à ceux de Thérèse. Si par malheur Thérèse l'avait vue, pensait-il, c'en était fait de mon prestige. Une telle héroïne m'aurait rendu bien ridicule, tandis qu'inconnue, son image agitera le cœur de la jeune fille et le tournera infailliblement vers moi. Tout en pensant ainsi, il se réjouissait de son habileté. Dans cette aventure, il songea mettre à couvert, non sa moralité, mais son amour-propre.